TVA, fourniture gratuite de repas aux salariés. La fourniture gratuite de repas à leur personnel dans leurs locaux par les sociétés de restauration, notamment les établissements qui servent des repas aux usagers sur les aires d'autoroute, dans des gares ferroviaires ou dans des aéroports, ne peut pas être regardée comme dispensée à des fins strictement professionnelles si le personnel peut se restaurer selon d'autres modalités. Elle satisfait donc des besoins privés et cela constitue un avantage en nature. Dans ces conditions, cette fourniture gratuite de repas par la société à ses salariés doit être assimilée à une prestation de service effectuée à titre onéreux, de la même nature que celle qui est fournie à un consommateur final qui se procure un bien ou un service du même type, et elle ne saurait échapper au paiement de la TVA.